trace les contours, esquisse des demi-tours, trace ton créneau. Allume les lumières et garde les chimères dans tes faisceaux. Et si les haut-parleurs étouffent les rondeurs, le bruit des chevaux résiste à la peine, au chant des sirènes dans ton rétro. Efface les contours, esquisse et demi-tour, trace ton créneau. Allume les lumières et garde les chimères dans tes faisceaux. Et si les haut-parleurs étouffent les rondeurs, le bruit des chevaux résiste à la peur.